Sois heureux, toi qui es persécuté à cause de Christ. Ta récompense sera grande dans les cieux. Fortifie-toi, mon ami. Yoka, mokilian zambi komine na suka. Oya kotia te mazalite. Bile monyo so eko kisami yo. Yesu Mesia, Mwana la Nzambe, Mwana la Nzambe akozonga ye. Oh, oh, oh, mibongisa Mo Kristu lengela tango, ngonga eko kie. Oh, oh, mipetola, ngenga sala mwinda. Mo Kristu zala mungwa, sale la bolingo. Okola Mesia Yesu Zala moto esengo boboto kimia Mpelo mwana molongo yaba oyo bakumaba Bakumise la bato vi bololo Ata kinini bololo mebiki saka Ya bango bololo ya pamba Les agents de la mort ah. Nkoka mwate mangomba etondi Otango to zanango Moli mola nzambe Azali ili kolwa motonyo so Tala boli ngwa nzambe Babenga mi baza ebele Bapona mi baza moke Il est aujourd'hui plein de ramassis Qui sont là pour persécuter, troubler et tourmenter les enfants de Dieu Oh non Mawa Tuna kimokolo akuzunga Eska kukuta kundima na mokili Batu miteba mabe Batu nina magoma mawae Talaba ministero abazwa Kutunga kabato Amasulu ya lukuta Bafote mwemba akuzato Yabana nzambe Bazo salamu sala satana Papa na bango Bazaba Omu ya bala nzambe komi bololo Pona likunya kindo kimite mama be Bazanga mawa compassion ya Yesu Kristu Laisse les sorciers rien à faire Basala kailo kote na lingomba Bapona ko bebisa Songe Zango malamu ya Yesu Bo remplaça na mayele la bino C'est grave Vina lingomba eko mika kampe Pia mwana nzambe ko nibololo Qui accusera les élus de Dieu Mosala mpunda Qui t'a établi Alliance yanga na Yesu nanga Soki okoti okokufa sonye Muta kukima pete po Alati ya Yesu etoa Mon ami fidèle Mwana na nzambe akozonga ye Eko ye mbana Mbana Yesu na ya satana Mpo toko kamwana Basusu na lola Basusu direction li felo On ne se moque pas de Dieu L'homme récoltera ce qu'il aura semé Le persécuteur sera persécuté Kasi o mwana nzambe Olemba kosala bola mute Na kombola Yesu komba le bon komba En Christ tu es vainqueur Les souffrances du temps ya moto ya zolo ba mabe ya bato okoya ko participer na lisumu na ye et puis keba lobby akoloba masolo ya mabe na tina na yo eza lolenge na bango bana satana bazalo kola papa na bango bayaka pona ko bebisa koyiba pe koboma oyo aza na mato ya koyoka ayoka.